De retour à Futur Simple, c'est François Grégoire au microphone. Alors, comme tout le reste, la science évolue actuellement à vitesse grand V, si bien que l'écart entre la culture scientifique populaire et l'avancement de la science se creuse de plus en plus. Alors, pour rapprocher les gens de la science, certains groupes organisent depuis plusieurs années des activités à caractère informel pour réunir dans un même lieu les gens et les scientifiques. Évidemment, le lieu de prédilection pour tenir ce genre de rencontres est les bars, et l'activité idéale pour désinhiber et favoriser la communication est de boire de l'alcool. Alors, une de ces organisations s'appelle Pint of Science, ou en français, Pinte de science. Et pour nous en parler, je reçois Marine Tournissac, coordonnatrice Québec de l'activité Pint of Science. Bonjour, Madame Tournissac. Bonjour. Alors, Madame Tournissac, parlez-nous de Pint of Science. En fait, quels sont les objectifs de tenir ce type d'activité? Puis, en fait, c'est quoi le but recherché? Alors, le but principal est vraamde casser la glace qui peut séparer parfois les scientifiques du public. Uh-huh. Et donc, pour ça, on prend des scientifiques, des chercheurs, on les fait sortir de leur laboratoire et on les amène dans des bars. Et donc, le but, c'est vraiment de rendre la science accessible à tous. Donc, l'événement est gratuit et de privilégier aussi un échange entre le public et les chercheurs et les scientifiques. Et c'est quoi la clientèle qui est convoitée? Est-ce qu'on veut monsieur tout le monde ou on veut aussi avoir des scientifiques? On veut principalement monsieur, madame, tout le monde, okay. Vraiment des non-scientifiques. Uh-huh. Le but est vraiment d'aller les informer, de leur montrer un peu ce qu'on fait en science dans les laboratoires et de leur expliquer de façon très simple, voilà, des nouveaux concepts, des nouvelles découvertes. On essaie de choisir des thèmes un petit peu d'actualité aussi. Ça peut être aussi des étudiants, mais non gradués, mmh. Donc qui s'intéressent un petit peu à la science, qui savent pas trop quoi faire encore, mais on veut aussi essayer de pousser la relève à aller en science également. Donc c'est vraiment un public très très diversifié. Vraiment non scientifique, très diversifié. Et comment cette activité a démarré et puis qui en a été l'instigateur? Ça part d'où, en fait? Alors, en fait, ça a commencé en Angleterre, à Londres exactement, en 2013. Et okay, ça fait pas si longtemps. Non, ça fait pas si longtemps que ça. Et pourtant, maintenant, on a vraiment on est dans le monde entier, puis l'événement commence à être vraiment connu. Uh-huh. Donc, en fait, c'est deux chercheurs qui, à la base, faisaient venir des gens dans leur laboratoire. Puis okay. Un jour, ils se sont dit, c'est à nous d'aller vers le public. C'est à nous de sortir de nos laboratoires. Et donc, en Angleterre, évidemment, les pubs, c'est culturellement très imprégné. Oui. Mais ici aussi, donc c'est ça. Donc, ils ont été dans des pubs, expliquer un peu ce qu'ils faisaient. Et en fait, le succès a été vraiment énorme. Et donc, l'année d'après, en 2014, ils se sont dit, on va essayer de le monter dans plus de villes, dans plus d'endroits. Et ça a été importé également en France, mm-hmm. et où le succès a été au rendez-vous. Ah, et puis maintenant, on est dans plus de 21 pays. Donc okay. En 2018, plus de 21 pays et 12 villes au Canada. OK. Mais c'est quand même une excellente idée de... Parce que dans le fond, il faisait une activité de porte ouverte avant. Les gens devaient se déplacer au laboratoire, mais c'est probablement ça. Qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup de gens qui le faisaient. Alors là, eux, on dit, nous, on va aller vers les gens. C'est ça. Et puis en plus, ça amène aussi un petit aspect divertissant, très décontracté. On est dans un bar. Puis on veut montrer aussi qu'un chercheur, c'est quelqu'un comme tout le monde. Ben oui, c'est un humain. C'est pas un scientifique fou caché dans son laboratoire. Non, c'est quelqu'un comme tout le monde. Et vous dites que, alors, il y a 21 pays qui participent, oui. C'est ça? Et des villes, est-ce qu'il y en a beaucoup aussi? Oui, cette année, si je ne dis pas de bêtises, c'est plus de 300 villes au total. Okay. Donc en France, c'est vraiment, si vous voyez la carte, c'est rempli partout. Et il y a vraiment, on va jusqu'en Inde, enfin c'est Brésil, c'est vraiment partout. En Europe, évidemment, c'est très développé, uh-huh. Mais maintenant, le festival s'est vraiment développé à l'international de façon très... très importante. Et on est arrivé au Canada, en fait on a importé le concept au Canada en 2013, il y a 3 ans, donc cette année okay. C'est la 3e édition. Okay. Et on est déjà dans 12 villes. Villes au Canada qui participent? Il y a Québec qui participe? 12, donc il y a okay. Québec, Montréal, Trois-Rivières, Chicoutimi, okay. Et après on est jusqu'à Victoria, Toronto, Hamilton, St. John, Calgary, j'en oublie, mais est vraiment Ottawa. C'est quand même pas mal au Canada. Oui, on est vraiment heureux. On est vraiment heureux, oui. Et est-ce qu'il y a un thème qui est imposé à chaque année? Autrement dit, dans toutes ces villes-là, est-ce qu'on parle du même thème ou chaque activité aborde ses thèmes? Alors, on a 8 thèmes au sein de... Pint of Science, okay. Qui sont quand même, mais huit thèmes, mais qui sont quand même très larges. Par exemple, notre société, les neurosciences, ou alors plutôt notre corps, ou les atomes à galaxies. Donc, on peut vraiment couvrir un panel de sujets très très larges. Et chaque ville a le choix de choisir une thématique qu'il souhaite, mais à l'intérieur de ça, tout le monde est très libre de choisir des sujets qu'il veut. Donc, c'est vraiment des grandes thématiques larges, mais après, tous les domaines scientifiques sont représentés. Et qui décide justement des sujets qui vont être traités dans une activité? Alors, dans chaque ville, il y a des coordinateurs qui vont aller chercher des équipes pour chaque thème, puis ça se passe entre le coordinateur puis les équipes. Okay. Donc, principalement, on est quasiment tous des étudiants-chercheurs, on est tous bénévoles, en tout cas, et on est tous étudiants-chercheurs, donc passionnés par la science, et on va essayer d'aller chercher des thèmes, en général, plutôt d'actualité. Il y a beaucoup de thèmes dans les villes qui traite par exemple d'intelligence artificielle. Nous ici, on va parler de dépistage génétique. On va parler aussi du blockchain, des bitcoins, donc l'aspect un peu plus numérique, l'enjeu du Grand Nord également. Donc vraiment des sujets très variés. Puis on essaie de vraiment toujours se poser la question, qu'est-ce que ma mère, par exemple, qui est non scientifique, aimerait écouter, qu'est-ce qui intéresse les gens en ce moment? OK. Et est-ce que cette activité, en fait, est supportée par des bénévoles ou des volontaires? Parce que j'imagine... Oui, c'est ça. On n'est vraiment que des bénévoles et des volontaires, que ce soit le graphiste, notre trésorier ou les gens qui organisent vraiment le festival. Donc, pour financer... L'événement est gratuit, mais pour financer la communication, le fonctionnement, les dépenses, on a aussi des goodies à l'effigie, des petits cadeaux à l'effigie de Pint of Science. J'en avais justement un verre devant moi. C'est là. Ça, j'ai amené le verre de l'édition 2018 qu'on fait gagner aux participants. On a des t-shirts aussi qui sont magnifiques. Et donc pour financer ça, on fait des demandes de commandite auprès de diverses institutions ou des compagnies à l'échelle plutôt nationale ou des institutions à l'échelle locale. Donc ici, on a plutôt des centres de recherche, par exemple, qui nous subventionnent et qui nous aident. Et est-ce que l'activité est diffusée sur Facebook Live pour joindre, je ne sais pas, plus de monde, les sédentaires finalement qui voudraient rester chez eux? Est-ce que... Non, pour l'instant, on ne le fait pas. On a déjà eu de la demande pour ça, donc on y réfléchit. C'est une question à laquelle on se pose. Techniquement, pour l'instant, on n'a pas les moyens de le faire. Okay. Et on veut vraiment favoriser les échanges entre le public et les scientifiques. Donc, je pense que ça casserait un petit peu ce but principal qui est vraiment de créer un échange, d'être ensemble et d'avoir un retour et d'avoir un moment convivial ensemble. Mais la question se pose effectivement, et surtout dans des villes où les événements sont complets très rapidement, on se pose la question. Donc, à venir peut-être dans les prochaines années. Ouais. Écoutez, j'ai lu quelque part que l'activité Pint of Science aurait obtenu une récompense au Royaume-Uni. Oui, probablement, mais c'est vraiment un événement qui a une très grande ampleur. Donc, des récompenses au Royaume-Uni ou en France, je pense que oui. Okay. C'est pas le cas encore au Canada, mais c'est tant mieux, en tout cas. La plus grande récompense, je pense, c'est vraiment d'avoir la participation. La participation dans les bars et surtout que les chercheurs soient contents. Ils sont vraiment contents. Ben oui, tout à fait. Quand est-ce qu'on va avoir lieu l'activité, là? C'est lundi, mardi et mercredi soir, donc 14 au 16. Trois soirs de file. C'est trois soirs consécutifs. Avec les mêmes thèmes chaque soir, ou c'est un thème différent chaque soir? Donc, on est dans trois bars différents. Ah, okay. Chaque bar a son thème. Okay. Et donc, le thème se poursuit sur trois soirs. Et les dates, en fait, sont les mêmes au niveau mondial. Donc, le festival se déroule simultanément dans le monde entier le 14, 15 et 16 mai 2018. Et à Québec, c'est quoi les lieux, en fait, de rencontre? Alors, à Québec, on va être à la Ninkasi sur la rue Saint-Jean pour parler de cerveau et neurosciences et psychologie. Lundi soir? Les trois soirs, donc lundi, mardi, mercredi. D'accord. En même temps, on va être au pub Galway sur Cartier, où là, on va parler de notre corps, la santé, biologie. Et d'un autre côté, donc les mêmes soirs encore, on va être au café Foualier sur le campus de l'Université Laval et on va parler de StarTech, nouvelles technologies numériques, etc. D'accord. Et donc, l'événement est gratuit. Est-ce qu'il faut réserver ou... Mais c'est ça, exactement. Il faut réserver des places sur notre site internet qui est pintofscience.ca. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, puis vous allez trouver facilement le site web et vous allez avoir toute la programmation détaillée et la réservation des places, parce que les places sont limitées, évidemment. Donc, les gens qui ont réservé seront prioritaires pour rentrer. C'est tout le temps que nous avons. Alors, je vous remercie infiniment, Madame Tournissac, d'être venue à la station pour nous en parler. Merci beaucoup à vous.